Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et c'est François Grégoire qui vous parle. Alors, je vous propose une balade dans l'histoire et le système solaire. Figurez-vous que c'est en 1769, donc il y a 250 ans, que des premières mesures ont permis de calculer la distance de la Terre au Soleil. C'était à l'époque d'une véritable épopée. Et c'est Mathieu Riopel, qui est professeur de physique et chargé de projet pédagogique au Cégep Garneau, qui va nous la raconter. Bonjour Mathieu. Bonjour François. Alors Mathieu, aujourd'hui, si on veut savoir quelle est la distance entre la Terre et le Soleil, c'est facile. On va chercher sur Internet et on trouve 150 millions de kilomètres. Oui, c'est assez facile à trouver sur Wikipédia. On a cette mesure-là. Aujourd'hui, on connaît ça. C'est ça. Mais après 250 ans, quand cette distance a été calculée, l'Internet n'existait pas. Et non, fallait le mesurer. C'était le contexte? Ouais. On voulait vraiment connaître cette mesure-là, en fait, pour différentes raisons. Puis là, on parle d'il y a 250 ans, mais il y a des gens qui se sont posés la question même longtemps avant. Bien avant. Les Grecs. C'est déjà surprenant. Uh-huh. Il y a plus de 2000 ans, des gens qui disent c'est quoi la distance jusqu'au Soleil, qui se posent la question, puis qui trouvent des moyens ingénieux et qui fonctionnent en théorie pour la mesurer. Donc ça s'est fait là, il y a en 380 avant Jésus-Christ, on raconte que Aristarque aurait mesuré cette distance là. Il n'est pas tombé à une valeur super précise, il n'était pas trop sûr de son affaire, mais il a réussi à dire que la distance était d'environ 1520 fois le rayon de la Terre. Okay. Aujourd'hui, c'est 150 millions de kilomètres, c'est 23 000 fois le rayon de la Terre. Donc, il était pas mal à côté. Uh-huh. Mais il est arrivé à une valeur. Juste de se poser la question, ben oui. C'est déjà une grande étape. Là. Donc, puis d'avoir essayé de faire un calcul, de trouver une façon de... Oui, en fait, il a utilisé la Lune, le Soleil pour trouver sa réponse, mais il y a pensé. Vraiment plus tard, dans les années 1700, que là, on a une idée, on organise quelque chose qui pourrait vraiment permettre d'avoir une mesure qui est fiable et précise. Puis c'est un peu ça que je vais raconter aujourd'hui. Puis peut-être la première étape qui est arrivée là-dedans, la première idée, là, ça vient de Kepler. Okay. Une centaine d'années avant, dans les années 1600, Kepler est un astronome super important qui a établi ce qu'on appelle les lois de Kepler en physique. Ouais. C'est quelque chose de fondamental. Les lois de Kepler, ça permet de décrire le mouvement des planètes dans le système solaire. Donc, ça décrit assez bien le mouvement des planètes. Ça dit que les planètes se déplacent sur des ellipses dans leurs orbites, des choses comme ça. Puis, il y a la troisième loi de Kepler qui, elle, permet de dire la distance de chacune des planètes par rapport au Soleil, mais de façon relative, dans le sens que Kepler va découvrir, par exemple, que le Jupiter est 5 fois plus loin que le Soleil, du Soleil que la Terre. Donc, on sait très bien la distance relative de chacune des planètes avec Kepler, mais on ne sait pas la distance absolue. Donc, on n'a aucune idée c'est quoi la distance entre Jupiter et le Soleil. On sait juste que c'est 5 fois plus loin que la Terre, environ. Comme tu dis, on les connaît de façon relative, mais pas absolue. Exactement. Donc, à l'époque de Kepler, on ne sait toujours pas. On a des estimations très grossières, mais on n'a pas une mesure précise. Mais on aimerait bien la connaître, parce que si on connaît la distance entre la Terre et le Soleil, ben avec la troisième loi de Kepler, ça veut dire qu'on est capable de toutes les trouver, les distances entre chacune des planètes et le Soleil. Donc, ça va nous donner une idée de la taille du système solaire, juste de prendre cette mesure-là. Donc, c'est un peu comme à l'époque, c'était vraiment une mesure qui fascinait les scientifiques. Comment on va faire pour trouver cette valeur-là, cette mesure-là qui était importante? Et puis, c'est Edmund Halley qui va... entre autres, là, proposer l'idée qui va permettre la mesure. C'est un Anglais, ça? C'est un Anglais, c'est un contemporain de Newton, c'est un astronome, un scientifique vraiment important à son époque. Là. C'est lui qui a un peu forcé la main pour que Newton publie ses grandes idées. Okay. Donc, il est à l'origine de ça. Et aussi, on le connaît pour la comète. Ah, ben oui, la comète de Halley. La comète de Halley, il l'a observé et puis il a prédit son retour qui allait arriver en 1759. Il a dit, telle journée, vous allez voir, il va y avoir une comète dans le ciel. Il a prédit son retour. Puis ça a été un des grands succès de la théorie de Newton de voir l'arrivée de cette comète-là plusieurs années après l'avoir prédit son retour. Oui, et je me souviens, moi, de l'avoir déjà vu. Ça fait quand même déjà un petit bout de temps, là, la comète de Halley. Il me semble qu'elle a passé peut-être dans les années 90. Ouais. Excellente question, je pense les années 90. Mais, ouais. Mais à Halley, c'était quoi son, en fait, son idée? C'est une méthode assez usuelle de mesurer des distances. En fait, on appelle ça la parallaxe. L'idée, c'est peut-être si des gens veulent l'essayer à la maison, là, ça, placez votre doigt devant vos yeux. Puis fermer l'œil droit, après ça l'œil gauche, l'œil droit, l'œil gauche, en regardant au loin. Puis vous allez voir votre doigt bouger, genre vous passez d'un œil à l'autre. C'est ça. Puis si on éloigne notre doigt de notre champ de vision, de nos yeux, une plus grande distance par rapport à nous, notre doigt va sembler bouger un peu moins. Vous pouvez l'essayer, là, vous clignez d'un œil et de l'autre, puis vous allez voir, le doigt se met à moins bouger quand il est loin. Puis si on regarde à l'infini, ben, il ne bougera plus du tout. Il ne bougera plus parce qu'il va se trouver exactement au même endroit que les objets au loin qu'on est en train de voir. Donc, c'est un peu la même idée que Halley va proposer, sauf qu'au lieu d'avoir des objets lointains, ben, c'est le soleil qui va être au loin. Au lieu d'avoir un doigt, ben, il va prendre un objet stellaire qui se trouve entre la Terre puis le Soleil, c'est-à-dire une planète, Vénus. Oui, c'est vrai. Puis, au lieu de nos deux yeux, ben, on va prendre deux observateurs. Puis pour que ça soit le plus précis possible, on va s'arranger pour que ces observateurs-là soient le plus loin possible sur la Terre. OK, OK. Puis à ce moment-là, on va voir, lorsque Vénus passe devant le Soleil, on va voir Vénus à deux endroits différents selon l'endroit où on se trouve sur la Terre. Et ça, le passage de Vénus devant le Soleil, c'est ce qu'on appelle le transit, hein, c'est ça? Le transit de Vénus. Donc, c'est pour ça qu'on appelle la méthode de Halley, la méthode du transit de Vénus. Donc, il faut avoir absolument Vénus qui passe devant le Soleil pour pouvoir prendre cette mesure-là. Puis, ce que Halley va suggérer aussi, c'est au lieu de mesurer la position de la planète par rapport au Soleil, c'est juste de chronométrer la durée que ça va prendre pour que Vénus traverse complètement le Soleil. Okay. Puis à partir de ça, puis quelques calculs qu'il va proposer, ben on est capable de déduire la distance entre le Soleil et la Terre. Okay. Donc, c'est un peu toutes les étapes. Évidemment, il y a des trucs un peu compliqués. Ouais, parce que j'imagine pour la distance, en fait, le temps que ça prend pour que la Vénus passe à travers le Soleil, ça dépend où il se trouve aussi par rapport au Soleil. Là. Proche des extrémités ou au centre. Ben exactement. C'est puis cette position-là va dépendre de l'endroit où on se trouve sur la Terre quand on observe le transit. Donc, essentiellement, il propose ça. Allez, il dit, bon, vous pourriez mesurer la distance Terre-Soleil de cette façon-là, mais il sait, c'est rempli de problèmes. Là. Ça va être difficile parce que le transit de Vénus, premièrement, ça arrive très, très, très rarement. Ça arrive par paire, deux fois à tous les 100 ans. Ah bon? Deux fois pendant la même année? Deux fois à des intervalles assez rapprochés, un délai d'à peu près 8 ans entre chaque transit, mais après ça, il ne s'en produit pas d'autres pendant 100 ans. Et c'est régulier? Et c'est régulier, effectivement. Donc, quand on rate notre chance, il faut attendre longtemps, là. Oui, d'ailleurs, il y en a eu un au début, dans les années 2000, tourné en 2010. Je pense que c'était en 2011 le dernier. Okay. Et puis, il n'y en aura pas d'autres de notre vivant, je crois bien. Donc, c'est ce qui va... c'est un des problèmes, mais il y en a plein d'autres aussi. D'ailleurs, Halley va être mort au moment où le transit va se produire parce que lui a vécu au début des années 1700. Le transit de Vénus est arrivé. Le suivant était pour les années 1760. Ah, faut être chanceux d'en vivre deux, là. Faut vivre vieux. Un autre problème qu'il va y avoir, c'est que il faut prendre des mesures dans des endroits lointains. C'est ça que j'ai dit, là. Tantôt, c'est facile à dire, bon, on a juste à être loin sur la planète. C'est ça, puis loin, c'est pas Québec-Montréal. Là. Non. C'est idéalement au pôle Nord et au pôle Sud. OK. Où, donc, les points les plus éloignés, finalement. Exactement. Donc là, dans les années 1700, on se déplace pas en avion. Donc, il faut se rendre en bateau un peu partout dans le monde, à certains endroits où on peut voir le transit. Donc ça, c'est un des problèmes. Il faut aussi connaître l'endroit où on se trouve avec les coordonnées géographiques précises. Puis à l'époque, il n'y a pas de GPS. Là. Donc il faut être capable de mesurer sa position. La latitude, en général, c'est assez simple à mesurer. Il suffit de mesurer la hauteur dans le ciel de telle étoile. Okay. Ça va bien. Mais la longitude, Ça, ça pose problème. C'est difficile à mesurer pour toutes sortes de raisons super intéressantes, okay, mais qu'on n'expliquera pas. Mais ça prend des mesures astronomiques assez précises pour pouvoir savoir ça. Puis ensuite, ben, on peut s'attendre à observer le transit de Vénus, mais la météo, il peut passer un nuage devant le soleil la journée où on attendait et on ne voit rien du tout. Puis l'autre... Il faut que ça soit dégagé aux deux places aussi. Il faut que ça soit dégagé. Puis l'autre difficulté, c'est justement, il faut mesurer à deux endroits ou à plusieurs endroits. Une mesure ne sert à rien. Donc, ça prend plusieurs personnes qui se mettent en équipe, qui se coordonnent, qui travaillent ensemble à prendre des mesures. Donc, ce projet-là que Ali va proposer, c'est un projet de collaboration scientifique à l'échelle planétaire, ben oui, internationale, qui demande à des scientifiques d'aller dans des endroits dangereux et incertains. Il va falloir avoir plusieurs scientifiques qui vont à plusieurs endroits parce que... Pour être certain qu'il y en a au moins deux places où ça va... Au moins à deux places, qui fait soleil ouais, cette journée-là, puis que ça fonctionne. Donc, c'est ce que ça va donner. Le premier transit qui est arrivé en 1761, après le premier transit qui a suivi, disons, la suggestion de Halley. Uh-huh. Et donc, on s'est préparé, les scientifiques se sont préparés pour ce grand moment-là qui est arrivé. Et est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'on a pu faire ces mesures? Oui et non. Okay. Il y a eu toutes sortes d'aventures. En fait, je vais en raconter une. Je vais vous en raconter une qui est... on aurait pu en choisir, là. C'est... Imaginez des scientifiques qui parcourent la planète en 1761. si c'est quelque chose qui intéresse, qui vous intéresse, il y a un excellent livre qui est écrit là-dessus. C'est, ça s'appelle « Chasing Venus » de Andrea Wolf. C'est en anglais, mais ça raconte toutes les aventures de plein de scientifiques. Les péripéties, là, des scientifiques. Et, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai choisi Guillaume-Joseph Hyacinthe Jean-Baptiste Le Gentil. De la Galésière. On va l'appeler Guillaume le Gentil. Et pourquoi lui? Parce que c'est la pire de toutes les histoires. j'ai cherché sur Google son nom. Je savais que je voulais parler de lui. Je voulais voir ce que Wikipédia en disait. Puis ça disait qu'il était un astronome français dont le nom est resté célèbre pour la grande malchance dont il fut victime lors de ses tentatives infructueuses d'observer le transit de Vénus. Donc, c'est comme ça qu'il est décrit sur Wikipédia. Okay. Donc, je vais vous raconter un peu sa grande malchance. Oui. Lui... En fait, il a été le premier astronome à partir en bateau. Il était prêt, lui. Pour collaborer à ce projet-là. Il était enthousiaste et prêt. Il a quitté la France en 1760, le 24 mars 1760. Il voulait observer le transit qui aurait lieu le 6 juin 1761. OK. Puis se rendre, l'endroit où il voulait se rendre pour observer le transit, c'était à Pondichéry en Inde. Il voulait atteindre l'Inde, un comptoir français, parce que lui, c'était un Français. Il voulait se rendre en Inde à ce moment-là, parce que c'était un bon endroit qu'on avait où on s'attendait à bien observer le transit de Vénus, qui donnerait une bonne mesure. Puis aussi, à l'époque, il n'y avait pas des registres qui nous disaient... Parce que maintenant, on a plein de données sur les données d'ensoleillement. Mais à cette époque-là, il n'y avait rien là-dessus. Non, effectivement. Mais il y avait un astronome, un monsieur de Lille, qui avait dressé une carte qui disait les meilleurs endroits où on pourrait voir le transit, puis qui avait coordonné le projet. Ça avait été déterminé. Oui, effectivement. Et donc, lui, il va partir pendant les premiers mois de son voyage. Il s'en va en bateau. Il n'y a pas trop de problèmes. Il est à bord d'un bateau de marchandises. Mais à cette époque-là, ce projet-là, les deux grandes puissances scientifiques en Occident, on pourrait dire, c'est l'Angleterre et la France. Et, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce qui se passait en 1761 entre les Anglais et les Français, là, mais c'est pas mal l'époque des plaines d'Abraham. C'est la guerre des sept ans qu'on appelle. Ouais. Donc, les Français et les Anglais, au niveau scientifique, ils vont essayer de collaborer ensemble, mais au niveau politique ils se détestent complètement. C'est la guerre. Donc, à bord de son bateau, il se fait poursuivre par des navires anglais et il a bien peur de mourir à plusieurs moments. Il se sauve de justesse à plusieurs reprises des bateaux anglais. Mais il va finir par atteindre l'île Maurice, au large de l'Afrique, là, dans l'océan Indien, à la mi-juillet, donc c'est tout va bien pour l'instant. Sauf que rendu là, c'est là que ses malheurs vont commencer. Il va rester pris sur l'île. C'est la guerre, comme je le disais, entre les Anglais et les Français. Puis aujourd'hui, on sait pas mal que c'est en majorité l'Inde est devenue une colonie anglaise là, avec le temps. Uh-huh. C'est ce qui s'est produit dans ces années-là. En fait, le comptoir français était sous siège au moment où ils voulaient se rendre là. Donc, il n'y a pas un navire qui veut se rendre en Inde, pas un navire français qui veut quitter l'île Maurice pour se rendre là. Il va rester pris pendant des mois sur son île, sur l'île Maurice, à attendre, à se demander quoi faire. Il va réussir à trouver un bateau. Là, on est rendu en mars 1761, donc quelques mois avant le transit qui était annoncé. Son bateau, dans lequel il va embarquer, il va être pris dans une tempête. Le navire va rester pris un peu sur la mer sans pouvoir bouger pendant un certain temps. Finalement, le capitaine va décider de changer de bord, de retourner à l'île Maurice. Ah oui. Puis là, le jour du transit, il est toujours en pleine mer. Et donc, pour observer le transit de Vénus, il va servir d'un sablier puis de son télescope. Pour savoir sa position. En fait, l'important, c'est de savoir sa position. Il faut qu'il chronomètre la durée que ça prend pour que le petit point qui est Vénus passe devant le Soleil. Et il faut qu'il évalue aussi sa position géographique, je pense, hein, comme tu dis. Oui, en pleine mer, il va être incapable de prendre pas une possible. Mesure. Donc, il va rater complètement sa mesure. Après, il l'a observé, j'imagine, mais ça servait à rien. Il l'a vu, probablement, mais... Il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas de mesure à fournir après un an et demi de voyage. Tout ça, c'est raté, mais au moins, il y a eu d'autres astronomes qui ont réussi à prendre des mesures à ce moment-là. Il y en a eu à travers le monde. En fait, il y a environ 122 personnes répertoriées qui ont pris des mesures du premier transit. Sauf que la plupart des mesures sont restées imprécises pour différentes raisons, des raisons géographiques principalement. Des gens qui ont pris des mesures avec la référence en longitude qui était le méridien de Greenwich, celui qu'on utilise aujourd'hui. Ouais. Mais à l'époque, il y avait aussi le méridien de Paris. Ah ben oui, c'est vrai. Puis on ne savait pas la distance entre Paris et Greenwich. Donc, il y a eu beaucoup d'imprécisions causées par ça. Le premier transit, les scientifiques ont appris de leurs erreurs, mais ça a été plutôt raté comme... On a amélioré notre précision de la mesure, mais pas beaucoup. Il y a vraiment beaucoup d'imprécisions. Puis il y a un phénomène qui était inattendu. On a vu que quand Vénus passait juste à l'extrémité devant le Soleil, elle se comportait étrangement. On voyait une tache qui se déformait un peu comme une goutte. Ah. Puis ça l'a ajouté à l'imprécision. Les scientifiques n'étaient pas capables de déterminer précisément le moment où on pouvait partir commencer à compter le temps, puis arrêter de compter le temps pour mesurer la durée du transit. Donc, à cause du phénomène, on appelle ça le phénomène de la goutte noire. À l'époque, on ne comprenait pas trop, on essayait de trouver des explications à ça. Aujourd'hui, on sait que c'est causé par des défauts dans les appareils optiques qu'on utilise, causé par l'atmosphère de la Terre aussi, entre autres. Et est-ce que Guillaume le Gentil a eu l'occasion de se reprendre ou d'autres, d'autres astronomes aussi? Ben, il y a eu un deuxième transit. Oui. C'est comme je disais tantôt, il y a deux transits qui suivent un à la suite de l'autre avec un délai de 8 ans. Donc, il y avait une chance de se reprendre. Il y avait 8 ans pour retravailler son coup. C'est ça. Donc lui, il a attendu patiemment dans l'océan Indien. Il est resté pendant quelques temps sur l'île Maurice. Ensuite, il est allé passer un peu de temps dans les environs de Madagascar, voir que cartographier un peu les environs. Puis finalement, il s'est dit, je vais aller dans les Philippines, à Manille, pour observer le deuxième transit. Donc, il va se diriger là-bas. Mais arrivé là-bas, ben, c'est sous occupation espagnole. Puis, on va penser que Le Gentil est un espion français, parce qu'on ne savait pas pourquoi il débarquait, qu'est-ce qu'il allait faire. Donc, on va finir par... Les Espagnols vont l'emprisonner, vont lui dire de partir de Manille. Il ne pourra pas observer le transit à l'endroit où il voulait. Puis, il va regagner, en fait, Le Gentil quelques temps après Pondichéry, là où il voulait faire l'observation du premier transit. Il va attendre un an à Pondichéry, à s'organiser, monter un observatoire, tout ça, tout placer ses cartes pour que le grand jour il puisse faire l'observation. Et donc, c'est le 3 juin 1769, le grand jour. Le gentil se réveille tôt. Ça fait des semaines qu'il fait beau. Il se dit, c'est sûr que je vais pouvoir observer le transit cette fois-là. Il n'y a rien qui peut mal se passer. Lorsqu'il se réveille le matin, c'est nuageux. Ah. Puis, il attend. Le temps passe, puis ça reste nuageux. Le transit est prévu vers 5-6 heures du matin. C'est encore nuageux. Rendu à 7h, 8h, il sait qu'il a raté son coup. Quand il est rendu 9h le matin, le soleil sort derrière les nuages. Une belle journée ensoleillée. Donc, il y a eu un nuage qui est passé au moment où il voulait observer le transit. Il n'a pas vécu son rêve, finalement, cette nuage. Il a en fait vécu la catastrophe. Ça faisait 9 ans qu'il était en mer à attendre ce moment-là, puis ça l'a été raté. Donc, c'est ce qui s'est produit à différents endroits sur la planète, mais heureusement, il y a des meilleures histoires, des histoires plus heureuses que ça. Il y a le capitaine James Cook qui est parti et qui a observé le transit à partir de Tahiti avec son astronome Charles Green. Il y a eu plein de gens qui ont pu faire des bonnes observations du deuxième transit. Grâce à ça, on a réussi à avoir une mesure qui... Bon, avait une bonne part d'incertitude comme n'importe quelle mesure en science, mais qui était beaucoup plus fiable et beaucoup plus précise, qui se rapprochait beaucoup du 150 millions de kilomètres qu'on connaît aujourd'hui, la distance entre la Terre et le Soleil. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Mathieu, de nous avoir fait vivre cette aventure. Alors, c'est toujours passionnant d'écouter et raconter l'histoire des sciences. J'ajouterai une petite chose. Oui. Même à Québec, il y a eu une observation. On entend parler des tours Samuel Hollande qui a en haut. Samuel Hollande est un arpenteur géomètre. Et puis, il a mesuré lui aussi. Il a fait l'observation du transit de Vénus en 1769. Ah oui! J'ai appris ça. Moi, j'habite tout près des tours Samuel Hollande. Puis, Merci beaucoup, Mathieu. Ça fait plaisir. Et je rappelle que nous étions en compagnie de Mathieu Riopel, professeur de physique et chargé de projet pédagogique au Cégep Garneau. On fait une pause et au retour, on s'intéresse à la science participative. Restez avec nous.